Le journal Rong Sinmun a inséré le 6 mai le commentaire titré « Le 7e congrès du Parti Travail de Corée, tournant historique dans l'accomplissement de l'œuvre révolutionnaire du Juche ». En voici le résumé. Dès aujourd'hui, à Pyongyang, capitale de la révolution, le 7e congrès du Parti Travail de Corée se déroule dans l'enthousiasme politique et la grande attente de tous les militants, des militaires de l'armée populaire et du peuple de tout le pays et à l'attention du monde. Le 7e congrès du Parti du Travail de Corée est un rassemblement remarquable des vainqueurs dans l'histoire du parti et de l'humanité. Le congrès dressera avec fierté le bilan des succès du parti accompli dans la révolution et le développement du pays par les grands leaders et la direction clairvoyante du maréchal Kim Jong-un. Sur cette base, il présentera une ligne pour achever à merveille à la plus grande vitesse l'œuvre d'éducation d'un État socialiste puissant et prospère. C'est pour cette raison que le congrès du parti servira d'un nouveau rendez-vous pour la marche générale, invitant le peuple coréen à s'engager vigoureusement dans l'œuvre pour hâter la victoire finale, avec la certitude en la victoire et un objectif clair.